nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sur RKB pour hin à Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gary ou Hervué. Aujourd'hui, on en est à la 393. Et quel mot on voit aujourd'hui, Henri, dans Gary? Alors aujourd'hui, on va voir un mot un peu amusant, c'est paye. Alors, qu'est-ce que ça veut dire paye? P-E-I-L-H. Alors, en fait, paye, c'est une épluchure, c'est une pelure. Hein. Et alors, ça vient du latin pellis, hein, qui a donné en vieux français le mot pelle, qui a donné ensuite la peau, et qui est resté en français sous la forme pelage, ou pelure aussi. Voilà. Alors en breton, le mot pelle existe aussi, mais il a été mouillé le plus souvent, et ça a donné paye. Et c'est pour ça qu'on écrit avec un H ou... Ouais, non, pas forcément, non. C'est plutôt, on met un I au milieu pour que ça mouille. On dit pas pelle, on dit paye, quoi. Alors, paye, ça va désigner une pelure... par exemple, une pelure de légumes, hein, on va dire paye pato, hein, pour les pommes de terre, ou paye patates, là où on dit paye patates, ou paye avalo duar, hein, voilà. Et ça désigne aussi de temps en temps une écorce. Hein. Donc c'est un mot masculin. Alors c'est un mot collectif, donc on va l'employer sans article, hein. On va dire paye pato, mais là, il y a deux raisons pour ne pas mettre l'article, c'est que c'est aussi un mot complété, hein. Donc là, on va dire paye pato, paye avalo, par exemple, hein. Paye quad d'air aussi, par exemple, pour dire de l'écorce de chêne, par exemple, qu'on utilise pour faire le temps, hein, pour tanner. Voilà. Alors, parfois, on trouve dans certains textes, on le trouve au féminin. C'est un mot qui peut être, et à ce moment-là, on aura herbeille, hein. Voilà. Alors, le pluriel, il y a un pluriel aussi qui serait payou, mais qui n'est pas utilisé pratiquement. Par contre, on va faire un singulatif en disant herbeien, hein, une épluchure. Voilà. Alors, autrement, des expressions, on va dire herberne paye, hein, un tas d'épluchures, comme aux Danouettes, là, quand on fait le coin de Roise. Paye, alors, le verbe, c'est éplucher. C'est payat, hein. PV Mango Hopper Krampus ne veut que payat pato, hein. On a ça dans la chanson sur un air de Paul Kaplan, hein. Donc, payat pato, hein. Donc, le participe passé, c'est payat. Alors, je sais pas s'il y a un rapport avec le nom de famille payat, hein. Mmh. Il paraît que ça viendrait de gens qui étaient chauves, mais ça, ah. Oui, ça, c'est sans garantie. Mais on disait ça à peine payat, hein. Ah oui. Mais c'est sans garantie, hein, parce qu'il y a peut-être d'autres étymologies possibles. Bon, donc il ne faut pas prendre ça comme parole d'évangile. Mmh. Alors un autre mot, qui est un mot celtique cette fois, il ne vient pas du latin, c'est plusque, qui a un petit peu le même sens, et qu'on trouve en cornique, en gallois et même en gaélique. Alors il désigne aussi une écorce, ce serait un petit peu plus épais normalement que paye, peut-être, hein. Donc une écorce, mais aussi une coque, une coquille, hein. Par exemple pour les œufs, hein, plus que nuyau. Alors c'est un collectif aussi, et si on fait un singulatif, on va avoir plusken, qui est un féminin, donc herblusken. Alors au pluriel, on dit pluscou, ou pluscadur aussi, on peut dire pluscadur pour de l'épluchure, et même pluscaduriou, hein, des épluchures. On peut jouer longtemps avec plusque. Hein. Par exemple, pour les pommes de terre, on va dire ça aussi, pato plus qu'à toutes, hein, des pommes de terre en robe de champ, en robe des champs ou en robe de chambre, selon les versions. Hein. Voilà. Pour l'oignon aussi, on va dire plus qu'un, plus qu'oignon. Et alors, blusken, donc un peu d'écorce, un peu d'épluchure. On a un diminutif aussi, alors bluskénique. Par exemple, on emploie pour la croûte qui se forme sur le lait, herbuskenik zoarales. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un verbe, dibluscan, qui est écorcé ou écalé. Dibluscan enu, donc on épluche on écale les œufs. Hein. Voilà. Alors, il y a un troisième mot qui a un peu le même sens aussi, et qui n'est pas utilisé souvent lui-même, c'est quigne, hein. Donc, kin, qui est une pellicule, hein, une peau superficielle. Donc, rhin, donc avec le, puisque c'est un mot masculin, et le verbe kinyat. Hein. Et les patates crines. Un cri. Il faut une peau. Ouais. Alors, kinyat, c'est écorché surtout. Hein. Ça, on employait beaucoup ça quand on était gamin. On revenait en pleurant, kinye meuz medaoulin, hein, parce que c'est en général, c'est les genoux qu'on écorche quand on est gamin, quoi. Voilà. Alors, dans Le Léon, on dit ça aussi pour les pommes de terre, hein, kinyat patates. Donc, écorcher des patates, quoi. Voilà. Alors, c'est aussi pour l'écorce de chêne, pour préparer le temps. Hein, donc, kinder, hein, voilà. On emploie aussi parfois pour le lait, hein, le lait écrémé, lait skinyada. C'est même écrémé fortement. Et alors, il y a un mot aussi féminin pour une écorchure, hein, une blessure superficielle, kinyadana. Voilà. Et puis, alors, il y a un mot mais dont on a déjà parlé, hein, qui est le mot krohn, hein, qui désigne la peau en général. Mais ça, c'est un mot on a déjà traité, hein, donc on va pas recommencer, on va pas radoter. Hein. Voilà. Eh ben, on a fait un petit peu le tour des peaux et des pelures et des écorchures. Très bien. On passe à la deuxième partie d'émission. Brezhoneg dans ma tente. Brezhoneg dans ma tente. Deuxième partie de l'émission Brezhoneg. Donc aujourd'hui, c'est la rentrée. C'est pas tout à fait la rentrée, elle est passée, mais c'est l'époque de la rentrée à Zantôle, comme ailleurs. Et donc Lannick, qui travaille à la radio, est allée, pour de radio, hein, est allée interviewer Nolwenn, qui est l'institutrice. Nolwenn Talek, qui est là depuis 2 ou 3 ans maintenant, qui a remplacé Madame Nedelec. Oui, la femme de Job Nedelec. La femme voilà. Et Ronan Du a remplacé Job Nedelec. Il y a deux classes. Il y a deux classes, oui. Alors on les écoute. Salut Nolwenn. Ma de jeu, Vanar Neus ke de glem, Lannick. La retinta, Nolwenn. Hat kroge li ar skol bazantole. Fe ya vad. Vel lerel, vel just. Vous dimers. Ya, a bugar les eaux. Ah ya, tos de hanter kron azo. Révraz à Révien. Ya, mais normalement, nous qui skoul vend. Ah, ya, on est repayé, zo. Ya, la poudre rien à moi. Juste mad, ar skol vant ma zo ba plou derien hag ar skol kentan derez ba zant tolek. A brezhonek vo gret de blan morhoaz ? Ya, ter brezhonek vo gret ba bzun. Rant an du ar a-war dro ar brezhonek, a mer a-war dro ar son erez, hag an ar zou vit tout ar vugale. A zoznek vo gret ivez ? Ya, vid ar ECM daou ve gret zonznek. Un ur bet zun, gant ur plar deus brossoz o chom ba zant tolek a bet desket ganti ar brezhonek. Met deut d'ober tro ar skol, me peus oan. Dorm na hem. Oui. On reprend ? Oui. Donc, on va traduire un peu tout ça, quoi. Hein, mm-hmm. C'est ce dialogue-là entre Nolwenn et Lornik. Un distro skol. Oui, donc la rentrée de l'école. Salut Nolwenn, madr je gonneur. Oui, salut Nolwenn, comment ça va ? Neus ket eo glem, Lornik ? Oui, neus ket eo glem, alors il n'y a pas à se plaindre. Formule courante. La redinta Nolwenn, hat krodig er skol baz an tolek ? Donc, dites-moi, parce qu'il la vous voit, hein, dites-moi, de, comme on fait partout ici, à an tolek, à Pemrit et à Tremargat, dites-moi, Nolwenn, l'école est recommencée à an tolek, hein, reprise à l'école. Hein. Feyavat, vellerel et veljust, boedimers. Ah oui, c'est sûr, hein, feyavat, hein, comme ailleurs, hein, bien sûr. Depuis mardi. À Bugale, Azo. Et il y a des enfants ? Il y a, tous dans Turcan, Azo. Oui, il y a environ 50. Révras à Révillon ? Oui, des grands et des petits. Il y a, mais normalement, nous que ce vend, bah Plouderien, non ? Oui, mais ici, il n'y a pas d'école maternelle. Elle est à Plouderien. Ah, il y a, un RPI, Azo. Alors, un RPI. Oui, il montre qu'il connaît bien le milieu scolaire. Il dit, ah, il y a RPI, Azo. Mais les gens de la radio, il faut se voilà, il y a RPI, voilà, j'ai compris qu'il veut dire quoi. Voilà. Juste, ma skol vant ma zo va plou derrien, hag ar skol kentan derez, ba zant tolek. Oui, voilà, exactement. Donc, l'école maternelle est à plou derrien, et l'école du premier degré, l'école primaire, est à zant tolek. À Brezhoneg, vous gré d'air blamant, voilà. Et du breton sera fait aussi cette année ? Roas. Hein ? Encore ? Oui ? Il y a Terreur Brezhoneg Vaugret, Bebzun. Voilà, oui, on fera 3 heures de breton chaque semaine. Renandu Arawardro Brezhoneg. Voilà, Renandu Arawardro, c'est-à-dire il s'occupe. Hein, façon de. C'est un bretonisme hein, très, très connu, puisque même en français on le dit, fait retour. Hein. Mm. Celui-là fait autour des bêtes. Voilà. Donc Renandu s'occupe. Français de Pemrit. Voilà, français de Pemrit. Renandu fait donc s'occupe du breton. Donc il se partage le travail. Un meilleur avoir droit à son RS à Grand Arzou, vu tout d'Arvugalé. Arzouker, non ? Non, les arts en général. Hein. Donc et moi je m'occupe de la musique et des arts pour tous les enfants. Donc à ce moment-là, ils échangent leurs enfants. Un sauce avec les Grecs. Et on fait de l'anglais aussi ? Ya. Yeah. Vidar et CM2, regret Sosnek. Voilà. Oui, pour ceux du CM2, on fait de l'anglais. Une heure, Bebzun. Voilà, une heure par semaine. On a plein de brossos. Donc, par une dame venue d'Angleterre. Au Chomba Zantolek, avec des skates gantier à Brezhoneg. Voilà, qui habite à Zantolek et qui a appris le breton. Et ça existe, c'est vrai. À Zantolek, mais même ailleurs. Et un peu de Brit aussi. Oui, oui, il y a aussi. Mais deux d'over trois school, ma peu soin. Mais venez donc faire le tour de l'école. Hein, donc, visite de l'école hein, pour la prochaine fois. Et Lornik répond, dans le noeud. Dans le noeud, voilà. Il est toujours d'accord. Voilà. Bon, eh bien, on passe à la troisième partie. Voilà, Petra Zonet des Arbres. Thank you. troisième partie d'émission, Petra Zonevé Ervro Eri. Petra Zonevé Ervro, calze drau e vel just boer vej diouzan, krogom de dianton vel custum, gant de la bourdouar hag vu e war armez. Tramene de bremañ, e misest, a zer de be de nedou, de la vare de ur guiniz, neil, ur zeg, l'arrier, hag blan me oa matre nedou bon zer zo be de ma, pe dur oa bra an amzan. Hag bremañ ne chom ketin de zeri war ur mez, nemet ur maiz hag ur betravez, met evize zo amz ar c'est vel just. Ha ma ve bra mis gwen golo, vo ma d'un trau, vid un trevadouz. A spi un meuz vo bra un trau. Ma trez un vefe beret gado o bandour, met me mestran neus ket eglem. Prestig vo un distro skol, hag an amez o trouz vejo. Prestig vo un distro skol, hag gant mare un distro skol, ve un distro, e vi kalze drau. E vel just, hag vid ar gevredigezio a tout, ar hevit igezio, hag vid kalze stroladou, e vel just, man un distro. Da skoer vid de la bourdouar, vo salons de la zaverien lonet, barhoazan, ve l'ar de spaz de se, ar spaz oa bet krouet, ba bla seiz a perruget, hag ve bepla, ar ve bepla kalze londe da kalze dut, ba mis gwen golo. Blaman ne vo ket de président de bet, pe dur président oa, yant vi kel meteye, zo et tenan nan, neus ket gwal belzo. Hendel, bon zo salon ster attitude, ba hanter mis, mis gwen golo, vo ba baloudiak, hag kaziwar mamez deyo. Kom se zo bet kalz ur mar eman deus prise nu eo, pe dur un prise nu eo zo a kwet izel tre, hag nevezo oa bet Stéphane Orfol, ministre la bourdoua, hor an dro e breiz, evit l'art labourerien douar hag zaverien ir, refe i seiz posub evit lakal an traoù d'on gwellar. Herve kled on tomp bien gwellar. Bon, gwellet vo. War ar men ebre ar a zo bet ur voar a yezeg blam, war lan e oak be moyen d'or, pio ar re avel, hag blam zo be moyen a zo be kalz dut, un dro d'ar yezeg, pizur zo bet gervijet, daou vil pret, ba war ar men ebre. Bon, bremañ vid a yezeg vo gwellet oaz prestig voar vulat, a waler ba mis her e voar djerien. Gwejel oa oaz waler voar bulat hag a tierien oa voar plij di, a ze vije gwerz ed ne beul yon di ouz an a. Pe dur vije la, ba voar plij di, o ne beul vid priz o hi. Hag an se oa, oa ke kouraj iz oar dut. Bon, de seiz viz gwen gola oa vo ba zan konan, komiz la bourdouar vi kanton zan Nicolas. Pevezel ad un tan pe sa mod oa bet kont gant homiset, tientan komiz oa begret ba brovranz, oa ba breiz amman, ba plezder, ba bla mileiz kan pemzek, zir atos de daou an lasso. A lans oa bet nafarzeg an louifanch de l'orgeril, oa un den de zeno blanz, oa didenet gant la bourdouar. A waler zo begret komis a un tan me pebler a brovranz hag breiz amman. Vid kanton zan Nicolas, oa bet lans de homis, ba bla mil no an roer a daugen, just oa ler a brez hag un draze oa bet lans gant August de Rouent, zo de zan Nicolas, oa de zan Nicolas, aede de nandan un boe, hag hez di oa krou de homis hag hop la pele moaz. Hag a zo me mer ba zan Nicolas pa tre gond la. Bon, dan mon tamm war dachen un andro, ba bla daou vil pemzet pa de nan vo skarzet de len gwerledan. Hag bon, kom ze ve kalz de ze, tre gond la so, bla pem a perruget, oa bet skarzet deja ur len, hag bon, dern l'ar o vo dravad vid un touristelez, dern l'ar an oak de mat pidur big in la lont ke mont war an dour, bon, gwellet vo pe samot vo kont, ben ahen. Bon, kom zo mont tamm deus ekonomi eus evro, pemzeg vlasso oa bet lans de balokan, et vel juste balocarne ou bien lance TV Braise. Hag un desse, pep ze glaso, milardar ou a pen au bras, ba locarne. Aze ou a deut Patrick Lelay ou a de Hulz mes ou ar TF1 ou a kaz en trau. Hag ar ou a begret kal ze zizkourio ou a vidlar de pesamo ve fe bet chanche den trau ou ar dach en tele gant TV Braise ave fe begret trau en brezon evit un tud hag bon. Hag evel juz oa be raste let kalz eran gant ar chad en zeud, a skouer eran rod gant ar anvro hag el, vid zevel TV Breiz. Met jiwaz nun vrezez o bet dis oe et vounis tre, TV Breiz neus di leus ket vounis tachet ar brezon, hag evi mon tientor oa zu filmo o amerikanet. Hag juz ma de nevezo, re diouz an deus re oa labourat ba TV Breiz ba Norient, zo et de la bourade de Boulogne, tost de Paris, a piqué chuve en la farze. Bon, comme ça mon temps vraiment de Strouel, puis dur, voir d'achen or brezon de ma personne. Puis dur, la remeuse, hein, pewa un distro skol, ou un distro vi calz drou. Vide or brezon de jiwa ne vous que calz, gwellar un drou blanc, Pu dur goudorin ne ke bet de zine de karta vidariez ou gwasket babro Europa. Hag bon, Hervé Klevet vo un tamm muar vugal eo tiski brezon eo blamme. Me bon, red e diwal ka Jacobinet zo pres der mot de head ala de diskarp ez vezavet. Me meustra zo kele ier ma war dachen ouzo da skouer vo gred o... Au skol diwan ba boulevriak, hag bon ze zo matre, ka matre e kel en brezon ne gler ve komzet. Ka pe vezel doa regart en benefin ve kel en brezon ne gler ve ke komzet. A ler ve komzet ve ke kel enet. Pe so eus uzoar benefin. Hag bon a ze ba boulevriak vo, just ba kreizer vo. On tamm war brezon ne voaz... là, à moi d'art, ou à Bécrou, et grand ministre, Zévena, dur, au comité Théodule, de l'art aidé au comité Vidcombs, mais Heb Galoudbet, ag, zo hangnet, grand au nom de Caire, comité consultatif des langues de France. Mais bon, c'est né que m'aide, ma peçoine de l'acad, un dut de jonge, almet, de gré, dit, mais n'est que m'en avait. Mais ce qu'un dut doit, et non, bah, comité, bah, comité Théodule, mon potiès Paul Molac, zon din Yulva, de Veljus, mais bon, niveau que calz bouise, direk Jacobinet, Penobras, Jacobinet. Vous scoudez, Gleven Beuz, vous kellen vraiment, brezonne que basse colveur Harvard, bah, bro américain. Hag, plus dur, un DL velen wak de Vigek et Kav, un mistriwar de Gelen brezonne que, pessoonab et Valput. Mais l'art vezé, Villard ne ce que moyen de Diori classe au plus de ce que Mistri. Ma très un vos redcord américain, de zone de Guédène au Brésil, de retourne. Hein, voilà vous. Tu te bêtes, si tu me bats, va, bon. Sais-tu, on t'en tielé, il y a envie de vie en Brésil. Bon, Hendel vit de Zévena, dur, Zobé, de Calze, Drog, même Mestra, hein. Pas de nom, de scouir, mon bé de, festival, Orguel, l'avait festival, bon, me vit tout, mais, Orguel Plin, ben, dans nous, dans Zobé Calzedud, Guel Ficel Barostren, ag, Zobé Calzedud Ivé. Ah, ben, Barostren, Zobé, juste moi, de Hong Kong, vide, en Adiscan, ag, Zobé, gand inam, ne zbé d'orpris, gand Morgan, ag, Zézo Montré, ader advon, an. Bon, Hendel zo bet tro ur chapelio, a zo bet kalz adut, ive, ba chapelio evro, de chilao zon adegu, de chilao prezegenu, a dor bale adenu. Pegant komz deus tro ur chapelio, juzmat, ba tre malga, de behad digor de nilis, oazer ad spente glaso, vi tro ur chapelio, hag oa oberntud, ba nilis anons, a zo ged ur bale aden, bon, Or valéaden hag oa kalzedud o heuil, a bra oa namzor, a setu oa tram de mad en traou. Ba karnoed zo laket no zan mur, hein, blam, plutôt à seis warnugen, à vraiment zo roer à Trégon, hag meskerin zo zant Corneli, zant Cardo, zant Million, zant Tugen, bon, ze zo bad, hein, bon, lakad ben e blam, me zant le voaitos de Hunter Khan. Bon, setu kar adin meus lard de Kalzodro, ah non, on dra el moa roan de lard, kant la so a be dijin d'ur gerioù kroaz, ma brozoz, pez ve lard mo kroaze in galak, a vi gelard de houls de galak vi gelard merveilleuse mosaïque. A vraiment zo moyen d'or bon gerioù kroaz, ma tout de gazet eno zo gerioù kroaz, a ba gazet an ia zo gerioù kroaz in brezhonek. Hag zo moyen d'ober ne, o vejez un bop de gerioù kroaz in brezhonek. Bon, setu gant gerioù kroaz vo echu de begontaden, hag lar an kenavo, lar de ram kenavo d'ar tout chilaouer an RKB. Tregar eri.